c'est parti. Du coup, on est le micro ouvert est à Quem. Moi, je disais aux gens Quem. Ils se marraient. Je dis mais quoi? On dit Quem. On dit Quem, oui. Ça veut dire quoi ce mot Quem? On connaît l'histoire? C'est quoi? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est donc on est à Quem, 7033. Bon ben, j'ai cherché un peu pour savoir, et Quem en fait, c'est du wallon évidemment, du wallon. Ben, avant qu'on parle français quoi, avant que ce soit obligatoire de parler français. Et ça veut dire en fait chêne, oui l'arbre, les chênes, le chêne. C'était du temps où ben, y avait plein de forêts à cet endroit-là. Quem, ça veut dire chêne, qui fait référence aux grandes forêts, voilà, qui occupaient la ville durant la période de l'Antiquité et du Moyen-Âge. D'où je suis originaire. Athénée, parce que les gens qui ne connaissent pas, c'est à Mons, quoi. Ouais, non, bon. C'est pas Mons. Si, c'est Mons, c'est juste à côté, quoi. On est à 3 km du centre de Mons, mais. Donc c'est Mons-Borinage, c'est la région de Mons-Borinage, quoi. Voilà, et Quem fait partie du Borinage. Toi, t'es né par ici, quoi. Moi, je suis né ici, oui. Ah, voilà. Voilà, ouais, c'est ça. Et j'ai grandi ici, à quelques rues d'ici. Je savais pas du tout, quoi. Et quoi, ici, c'est un lieu particulier en même temps. C'est quoi, un endroit un peu artistique, social. C'est un peu alternatif comme ça, non? Ok, alors ouais, ici, donc dans les locaux où on est en train de faire cette interview, c'est les locaux du Village du Monde. C'est l'ASBL Le Coron, mais plus connu sous le nom de Le Village du Monde. Et c'est un endroit où je travaille comme animateur depuis une petite dizaine d'années. Voilà, on accueille les enfants du quartier, on fait des activités créatives, on fait une école de devoirs, on fait des stages pendant les vacances. Voilà. C'est ça l'endroit ici. Voilà, c'est ça qui est chouette quand on fait le micro ouvert, c'est qu'on rencontre des endroits aussi. Donc Manus Cordia, est-ce que je l'ai dit, je sais même pas, mais salut Manus. Et donc on s'est déjà rencontré, c'est pas comme, mais on se connaît pas en fait, hein. On s'est déjà rencontré par des points communs comme ça, on va dire, mais on se connaît pas du tout. Et donc toi, t'as lancé ta deuxième BD, ça y est, c'est fait. Ça s'appelle Maouda, autopsie d'un crime d'État. J'ai pas pu lire Ali Arras, donc je sais même pas voir, tu vois, un peu tes deux manières de travailler, même si c'est la même chose, parce que c'est de la BD, mais peut-être c'est une autre manière, un autre point de vue. Je parle de créativement, quoi, de la BD, tu vois ce que je veux dire. C'est assez différent parce que c'est différent et pas si différent parce que j'ai envie de dire sur le fond les thématiques restent assez similaires, mais c'est assez différent dans le sens où Ali Arras c'est plus une sorte de biographie en fait où je raconte tout le parcours de cet homme. Ben donc voilà, pour rappel, Ali Arras c'est quelqu'un qui a été pendant 12 ans incarcéré au Maroc. Alors qu'il était accusé de terrorisme, ce qui était faux, hein, il était innocent et son innocence était établie. C'était un belgo-marocain, donc il avait la nationalité belge, mais la Belgique n'a jamais rien fait pour l'aider. Moi, j'ai trouvé important de raconter son histoire et l'histoire du combat mené par sa sœur Farida pour lui rendre justice. Et donc, c'est assez différent de celle-ci parce que c'est vraiment un parcours de vie, quoi. C'est tout un parcours de vie jusqu'à aujourd'hui. Tandis que cette affaire, tandis que cette bande dessinée-ci revient plus sur une affaire, sur un drame, sur un moment bien précis qui est la mort par balle de cette petite fille, Maouda, tuée à l'âge de 2 ans d'une balle en pleine tête la nuit du 16 au 17 mai 2018. Et donc cette BD revient sur cette nouvelle BD revient sur sur cette affaire-là, sur les circonstances qui ont mené à ce drame, et puis sur tout ce qui s'en est suivi, le déni de justice, les mensonges de la police, la connivence entre la police et la justice, voilà, globalement. Donc c'est le récit. Enfin, je veux dire, le récit est amené très différemment. Enfin voilà, est construit de façon totalement différente, quoi. Ouais, mais c'est ça. J'aurais bien aimé lire la première pour voir un peu la différence, mais C'est en noir et blanc, cette BD. Et puis, je trouve qu'elle est bien faite parce qu'elle est claire. Elle est claire et nette, tu vois. On n'est pas rempli... On n'est pas noyé dans plein de choses qu'on ne comprendrait pas, quoi. Les choses sont assez faites... les choses sont faites sobrement, je trouve. Voilà. Et c'est comme si aussi il y avait plusieurs parties, quoi. D'abord... Ben, Est-ce qu'on a rappelé l'histoire de Maouda ? Enfin, t'as dit que c'était une petite fille qui s'était fait tirer dessus. Mais bon, on part de ces... Dans la BD, on comprend l'histoire un peu plus approfondie des parents, hein, qui s'appellent Ali Chamden et Amir Perast. Voilà, ça c'est le père et la mère. Ils ont un enfant, Mohamed. Et ils sont irakiens kurdes. Voilà, on a une partie où on comprend un peu plus qui sont cet homme, cette femme. Et puis, il y a une espèce de deuxième partie où toi... Tu me dis si c'est... Hein, il y a une deuxième partie où c'est toi qui... tu t'es dessiné. Non, mais c'est vrai, tu t'es dessiné en allant à la rencontre du journaliste Michel Bouffiou, hein, qui a fait une contre-enquête, c'est comme ça qu'on dit, hein, et aussi avec l'avocate Selma Ben Khalifa, voilà. Et la troisième partie, ce serait plutôt alors le procès, quoi, voilà. C'est ça ? Okay. Oui, c'est à peu près ça. Dans un premier temps... Donc voilà, effectivement, la bande dessinée, au départ, retrace d'abord le parcours des parents de Maouda, qui est déjà, même avant ce drame, un parcours quand même assez lourd, hein, parce que donc, ce sont deux personnes qui vivaient au Kurdistan, au Kurdistan irakien. Ça se passe dans un contexte... Donc la BD, je la commence en 2014, dans un contexte où il y a la guerre. Enfin, là où ils sont, ils sont pas dans des zones de guerre, mais la guerre est très proche, quoi. Il y a l'État Daesh qui est pas loin, qui prend de plus en plus de territoire. Donc il y a quand même un contexte de... Ils sont pas eux-mêmes dans les zones de guerre, mais il y a un contexte de guerre quand même assez... Autour, quoi. Aux alentours. Mais c'est pas ça qui va être... Parce que ça, c'est quelque chose qui a aussi été dit parfois dans certains médias, mais c'est pas ça qui va être la raison de leur départ. La raison de leur départ, c'est qu'ils sont amoureux et leurs familles respectives n'acceptent pas cette union. Ils vont même être menacés de mort. Et donc, après la naissance de leur premier enfant, ils vont devoir s'enfuir. Et donc là, c'est tout le parcours très, qui est celui de milliers de... j'ai pas envie de dire migrants parce que j'aime pas ce terme-là, mais de personnes qui se retrouvent en exil et qui se retrouvent à essayer de rejoindre l'Europe. Un parcours très difficile, ils passent par la Turquie, ils prennent le bateau pour la Grèce, ces petits bateaux dont on sait combien ont fait naufrage, hein, qui ont fait des milliers de morts dans la Méditerranée, donc... Puis après de là, ils vont en Allemagne. Enfin, je ne vais peut-être pas refaire tout le parcours, mais donc il y a déjà tout un parcours migratoire très lourd. Ils essayent de passer en Angleterre, ils arrivent en Angleterre. En Angleterre, finalement, ils sont refoulés, ils sont expulsés de manière déjà très violente. Ils se retrouvent à nouveau en Allemagne. De là, ils ont peur d'être expulsés en Irak, donc ils vont retenter de repasser en Angleterre. Et pour ça, ils vont passer par Grande-Synthe. Grande-Synthe, qui se trouve dans le nord de la France, pas loin de Dunkerque, où il y a... tout un tas de gens qui sont là, qui ont pour espoir d'arriver à passer en Angleterre, quoi. Et là, ils se retrouvent avec tout un tas d'autres gens dans un gymnase qui est tenu par le Woman Refugee Center, qui est une association anglaise d'aide aux personnes, ce qu'on appelle les personnes migrantes. Et c'est de là que un jour, ils vont rentrer dans dans une camionnette. Donc le but, en fait, c'est de... Comment ça se passe? En fait, ils vont en camionnette sur les aires d'autoroute, et sur ces aires d'autoroute, ben, ils tentent de s'introduire dans des camions qui vont en Angleterre, quoi. C'est un peu ça qu'ils essayent de faire. Et c'est dans cette camionnette que Maouda finira par trouver la mort, quoi. Oui, c'est différent que dans un camion. Si j'ai bien compris, il y a une scène comme ça là où je comprends pas très bien. Mm-hmm. T'as un type qui est chauffeur routier et qui découvre donc Ali et Amir dans le camion, qui les découvre et puis qui appelle la police et qui entre-temps a mis la machine de frigorifique, quoi, en route, quoi. Ça, je comprends pas, parce que comment ils sont rentrés dans le camion? Le conducteur savait pas que les deux étaient dans le camion? Alors, je pense pas qu'ils étaient que deux, hein. Donc, avant d'entrer dans... Avant cette nuit-là où Maouda est décédé, ils avaient déjà fait plusieurs autres tentatives. Donc, en fait, les tentatives, c'est aller sur des aires d'autoroute et tenter de s'introduire dans des camions, effectivement, à l'insu du chauffeur. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qui est. Ah ouais, moi j'avais pas compris que ça. Je savais qu'il y avait des gens des fois qu'on avait retrouvé morts parce qu'ils s'étaient cachés en dessous. Mais là, c'est carrément à l'intérieur du camion. C'est ça. Et donc, ils avaient réussi à s'introduire à l'intérieur de ce camion là, qui était un camion frigorifique, comme on dit, mais à ce moment-là, la machine de refroidissement n'était pas enclenchée. Mais quand le chauffeur du camion s'est rendu compte qu'il y avait des gens, et ça c'est profondément crapuleux, quoi, c'est criminel. Et il a mis, alors qu'il y avait des enfants, quoi, je veux dire, il a mis en route la machine de refroidissement, quoi. Et il a appelé la police. La police a mis 2 heures pour arriver. Donc pendant 2 heures, ils sont restés enfermés dans ce camion en train de crever de froid, quoi. Parce que c'est ça aussi, je trouve que c'est un bon exemple, ça, tu vois. Et moi, en fait, j'ai lu la BD d'une traite, quoi. Je l'ai dévorée, en gros, et je me souviens que c'était un lundi et qu'il y avait un orage, mais un gros orage avec du vent, tu vois. Et j'étais dans ta BD, je me disais que le monde est vraiment horrible, quoi. Non, mais je veux dire, quand tu... Je le sais pourtant, tu vois, mais je trouve que c'est... C'est quoi ce type, quoi, qui travaille, qui découvre des gens qui sont en galère dans son... Enfin, tu vois, et qui en rajoute... Mais c'est horrible, on est vraiment dans un monde dégueulasse. Comment tu traduis ça, toi? Parce que j'imagine... parce que ça faisait partie aussi de ma question. Donc, tu as mis en scène l'histoire de Ali... J'espère qu'on comprend bien, c'est les parents de Maouda, quoi, de Ali Amir. T'as mis en scène leur histoire avant, là-bas, en Irak, on va dire. Puis t'as mis en scène toi, qui va voir, je répète, hein, le journaliste Michel Bouffiou, l'avocate Selma. Et les dames du Refugee Women Center aussi. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu as rencontré vraiment l'avocate Selma Benkhalifa ou bien tu as imaginé ça? Bah, évidemment que tu as dû les rencontrer pour comprendre l'histoire, quoi, mais c'est comme ça que tu mets en scène, quoi. C'est comme ça que je mets en scène, mais j'ai rencontré vraiment Selma Benkhalifa, j'ai rencontré vraiment Michel Bouffiou, j'ai rencontré vraiment les parents. Voilà, c'était ma question aussi, parce que dedans, ça ne semble pas très clair que tu rencontres les parents. Ouais. Alors, attends, je vais bien préciser. J'ai rencontré Michel Bouffiou, Selma Benkhalifa, Francis Timberlake, qui m'ont livré de première main leurs témoignages, etc. La manière dont c'est mis en scène dans la BD ne correspond pas forcément à comment ça s'est passé exactement, mais en tout cas, tout ce qu'ils disent, ils l'ont dit. Et Michel Bouffiou, tout ce qu'il me dit, il le dit, et il le dit aussi dans sa contre-enquête. Mais c'est comme ça que tu avais envie de raconter les choses, voilà. Quoi. Je veux dire, c'est ça, hein. Tu t'es rapproché fort de la réalité, ouais. En fait. C'est comme ça que... Toi, tu es allé rencontrer ces gens, et c'est comme ça que tu as eu envie de le dessiner dans ta BD, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, Michel Bouffioux, tout ce qu'il me dit, il y a beaucoup de choses qu'il me dit dans la BD à moi directement, qui en fait sont des choses qu'il dit dans sa contre-enquête. Mais moi, j'ai, voilà, pour la mise en scène, on va dire, c'était plus, voilà, c'était plus. Mais par contre, le procès, t'y étais ? Ah oui, le procès, j'y étais, oui. Voilà. Oui, le procès, j'y étais. Parce que voilà, il y a cette partie-là, je trouve qu'on, ben voilà, c'est comme si tu relates, mais on. Ouais. C'est un peu différent où on te voit avec l'avocate, avec le journaliste, et puis au procès, je t'ai pas de bien. Mais voilà, c'est juste une manière de raconter, tu vois, c'est la narration juste qui m'intéressait là-dedans, ouais. De comment est-ce que tu racontes les choses, quoi. Ouais. Tu rapportes, en fait, en gros. Ouais, c'est un petit peu ça, je rapporte. Et puis c'est vrai que tu dis que je me mets en scène, moi, c'est vrai, je me suis mis en scène, mais... j'avoue que j'ai quand même essayé de... Parce que j'aime pas non plus les BD où l'auteur est vraiment trop présent dans la BD, où c'est limite un peu égocentrique. Moi, je me mets en scène quand j'interviewe parce que je trouvais que c'est... Voilà, pour les besoins de la mise en scène, où on voit que Selma qui parle ou Michel qui parle, ben voilà, je trouvais que c'était bien qu'on me voit en train de les interviewer, mais... J'ai trouvé aussi que c'était important de rester discret, quoi. C'est-à-dire que je me mets en scène dans ces moments-là, mais tu auras remarqué que je dis rien, en fait. Je suis là, j'écoute, voilà. Mais sinon, pour en revenir à ce que tu disais sur le gars là qui a fait ça. Le chauffeur routier. Voilà, ce chauffeur routier. Ben pour moi, ça fait partie de Ben, ça fait partie de tout un climat. Voilà, hein, où la BD le montre très bien, hein, de déshumanisation des migrants, d'un climat où les personnes migrantes sont vues vraiment comme des criminels, comme un danger potentiel pour la société. On voit bien comment les ministres Yambon, Théo Franken parlent de ces gens. On a vu, je le relaie dans la BD, tous les commentaires sur Facebook, etc., totalement dégueulasses sur les parents de Mahouda, comme quoi ce serait leur faute, etc. Et même des gens qui vont jusqu'à presque se réjouir, en fait, en disant « Ah ouais, super, ça, on fait une de moins. » Enfin, j'avais vu ça aussi, je sais plus, il y avait eu 15 migrants qui étaient morts étouffés dans un camion. J'avais trouvé des commentaires comme ça. Ouais, super, ça en fera toujours 15 de moins. Des trucs vraiment mais dégueulasses, quoi. Mais donc, ça montre vraiment un climat de racisme délétère qui mène à ce qu'un chauffeur de camion se croit autorisé à faire. Et qui mène à ce qu'un flic se croit autorisé à tuer. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ce chauffeur de camion, justement, moi, j'ai... Un truc qui est frappant, c'est que si on retourne aujourd'hui sur l'aire du Bois du Gard, donc l'aire du Bois du Gard, c'est là où... Voilà, je suis passée à moto, là. Ah ouais, mais t'es passée pour moi. Mais oui, je me suis dit, mais le Bois du Gard, c'est là. Ouais, c'est là. Oui, on passe en venant à Mons, effectivement, on passe à côté. Donc cette aire du Bois du Gard, c'est là où la camionnette... Après, on va revenir un peu hein, sur toute la course-poursuite, comment ça s'est passé, mais où la camionnette a fini sa course et où les policiers ont arrêté tout le monde... Bah, si on va maintenant, aujourd'hui, voir sur ces terres, on ne va rien trouver qui rende hommage à Mahouda. Voilà, tiens, ici, décédée, une petite fille, rien du tout. Enfin, y a aucune trace de ça. Par contre, il y a un panneau, c'est difficile à expliquer, il faudrait le montrer, c'est difficile à expliquer, un panneau, attention, quoi, tu vois, comme ça... Attention, risque de personnes risque de migrants qui veulent s'introduire dans les camions. Genre, voilà, un panneau à destination des chauffeurs. Faites gaffe, il y a des migrants qui risquent de rentrer dans votre camion. Dans votre camion, voilà. Donc c'est ça qu'on trouve. Là, je trouve ça assez cynique, en fait, tu vois. Aucune trace de la mort de Mahouda, mais par contre, chauffeur de camion, faites attention, il y a un risque, voilà, des illégaux, là, qui risqueraient de rentrer dans votre camion, quoi. Enfin, voilà, je trouve ça assez... Ouais, c'est pathétique, quoi. Parce que tu parles, on parle... Mais tu sais, quand tu dis, on va rentrer dans le vif du sujet, là, en entrant dans ta BD pour expliquer, mais je pense que les gens... Faut qu'ils la lisent, quoi, pour qu'on comprenne un peu mieux cette histoire. Mais nous, on dessinait un gros, les gros contours. C'est quand même un gros drame qui s'est passé avec la mort d'une petite fille, mais aussi comment ça a été mené, toute cette histoire. C'est horrible, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des points, toi, où tu as envie d'un peu plus en, un peu plus parler, mais je veux dire, voilà, on ne pourra pas tout... Il faut lire la BD pour bien comprendre tout ce qui s'est joué, quoi. Mais par exemple, à l'époque, c'était Théo Franken qui était en jeu, il y avait Yann Bonne, c'était sur le gouvernement Michel, voilà, c'était bien chaud, quoi. Enfin, il y a une différence entre cette époque-là et aujourd'hui ? Toi qui, moi, je ne suis pas du tout les politiques institutionnelles. Bon, c'est bien facho en ce moment, je trouve. Hein, mais bon, il y a une différence. Tu vois une différence, toi, entre aujourd'hui, là, maintenant, et ce gouvernement Michel ? Moi, je ne sais pas. Je pense que hier, par exemple, j'étais à un débat avec des personnes sans papiers, de la Voix des sans-papiers, qui disaient oui, où on parlait de ça justement, qui disaient oui, à cette époque-là, en 2018, c'est vrai que c'était particulièrement chaud pour les sans-papiers, la chasse aux migrants, etc. Maintenant, je ne sais pas, ça, j'ai pas envie de dire que c'est moins pire, parce que les sans-papiers aujourd'hui et les migrants subissent toujours aujourd'hui tout un tas de harcèlement, de brutalité, de violence. Ces opérations Médusa, donc on va revenir, les opérations Médusa, ce sont ces opérations, donc ce sont des opérations de chasse aux migrants qui ont été mises en place par ce gouvernement-là, Michel Franken. Mais qui existent encore aujourd'hui, voilà, ou bien ça s'est terminé, ces opérations ? C'est ça que j'allais dire, ces opérations qui ont été initiées par ce gouvernement, donc des opérations de chasse aux migrants où les policiers ont en fait carte blanche pour essayer d'arrêter un maximum de migrants sur les autoroutes. C'est dans le cadre de ces opérations que la petite Maoda a trouvé la mort. Eh bien, ces opérations, je ne pense pas que c'est encore ce nom-là, mais ces opérations sont toujours d'actualité, ont toujours lieu et tuent toujours. On a toujours des cas, on en entend beaucoup moins parler, mais ces dernières années, de personnes, par exemple, il y a un an ou deux, un jeune Soudanais de 20 ans est mort écrasé par une voiture parce qu'il tentait de fuir un contrôle de police. Donc ces opérations-là, elles durent toujours. Et c'est ça que, oui, c'est ça que je voudrais dire. Pour moi, l'affaire Maoda, bon voilà, c'était il y a 5 ans, même presque 6 ans, mais elle est toujours terriblement d'actualité, dans le sens où les politiques racistes et le racisme ambiant qui a mené à ça... Est d'autant plus virulent et d'autant plus fort aujourd'hui. Tu vois, par exemple, dans la BD, à la fin, j'écris un texte de conclusion, tu vois. Et au moment où j'écrivais ça, c'était justement quelques semaines après la mort de Naël en France. Donc Naël, ce jeune homme de 17 ans tué d'une balle en pleine tête par un policier. Policier qui est devenu millionnaire grâce à ça. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une cagnotte de soutien au policier qui a tué Naël, qui est pourtant, alors que la vidéo est sans équivoque, je veux dire, il lui tire une balle dans la tête de sang-froid, quoi, à bout portant. Et il se trouve des milliers de gens pour trouver qu'il avait raison et pour lui envoyer de l'argent pour le soutenir, quoi. Et le gars, il s'est retrouvé avec plus d'un million d'euros. Donc c'est... Et donc, au moment d'écrire ça, voilà, pour moi, ça résonnait vraiment comme un écho. Voilà, finalement, l'affaire Maoda, ben voilà, 5 ans plus tard, on en est encore à des choses pareilles. Je veux dire, ce racisme-là, ces politiques migratoires-là, ces politiques racistes, les crimes policiers, et enfin, toutes ces manifestations du racisme d'État, ben, sont toujours hyper d'actualité et sont toujours aussi meurtrières, quoi. Ouais, et on a envie de se dire, mais comment contrer ça ? C'est presque... De toute façon, comment contrer ce bazar, quoi, tu vois ? Parce que tu vois, à un moment donné, dans ta BD, c'est l'avocate. On dit avocate générale, c'est un drôle de mot, d'ailleurs. On se demande ce que ça veut dire, avocate générale, qui dit... Tu vois de quoi je parle ? Attends, elle dit... c'était page 135, je l'avais noté. Elle disait par rapport... D'abord, il est exclu de dire qu'il y aurait eu arrangement entre les policiers et le pouvoir judiciaire en vue de cacher la vérité. Ces affirmations sont inadmissibles. Oui. Avocate générale qui parle. C'est quoi une avocate générale ? C'est qui elle ? Pourquoi ? Elle parle au nom de qui elle ? L'avocate générale, bah, c'est celle qui instruit le... Je suis pas juriste, mais c'est la. Je te pose une colle là. Oh, excuse-moi. mais euh, Elle dit « Certes, il y a bien eu des errements et des erreurs de communication, mais nous veillerons à ce que ça ne se reproduise plus. » Tu vois, c'est cette espèce de discours comme ça, comme si, tu vois, la justice, bon, elle veut bien faire, oui, comme, enfin, je viens de le dire, hein, elle s'est trompée et tout, mais elle va mieux faire, quoi. Alors qu'on a envie de dire, attendez, vous foutez de notre gueule, quoi. Enfin, s'il y avait vraiment une volonté d'aider les gens, d'être avec eux, que ça se passe bien, tu vois ce que je veux dire, comment... Ben oui, c'est assez... D'abord, quand elle dit, il est exclu de dire qu'il y aurait eu arrangement, etc., ben... En même temps, les faits sont là, quoi. Je veux dire, il suffit de lire la BD. Pour tous ceux qui vont lire la BD, vous allez bien voir qu'il n'y a aucune, je veux dire, il y a aucun doute. il y a eu clairement arrangement en vue de masquer la vérité. Ouais, et très vite, dès le début, hein, en fait. Hein, ouais. C'est ça. Je veux dire, même sur le lieu du drame, très vite, les flics étaient au taquet pour cacher le truc, quoi. Donc... Excuse-moi, je te coupe et du coup, je... J'empêche ton idée de s'élaborer. T'inquiète pas, je vais y aller. Ouais, du coup, maintenant. Donc, on parlait de cet avocat général. Donc il y a eu arrangement, etc. Effectivement, le discours qu'elle tient là, cette avocate, ben, en fait, là, l'avocate générale, globalement, elle défend l'instance judiciaire et elle défend l'appareil policier, quoi. Et à un moment donné, elle fait mine quand même de s'en prendre aux policiers en disant oui, il se contredit dans ses versions, etc. Mais globalement, cette femme-là, tout au long du procès, elle a quand même globalement défendu l'institution judiciaire. Et de manière générale, ce qui est ressorti de ce procès, c'est que le problème, c'est qu'il y a eu des erreurs de communication, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements, c'est qu'il y a eu des, voilà, comme elle dit, des errements, etc. Ça, c'est un peu la version officielle qui a été relayée un peu dans la presse. Voilà, il y a eu des problèmes de communication, des dysfonctionnements. Pour moi, il ne s'agit pas de dysfonctionnement, il s'agit de mécanismes qu'on retrouve, pas seulement dans l'affaire Maouda, qu'on retrouve dans tous les crimes policiers, on va retrouver ces mécanismes-là. Mais pour l'affaire Maouda, pour revenir très clairement à ce qui s'est passé, ben, comme tu disais tout à l'heure, la nuit même de la mort de Maouda, sur le parking, les policiers ont inventé au moins 3 fausses versions. Une première fausse version. Alors que les policiers ont tous entendu le coup de feu, mais bon, je ne vais pas revenir dans le détail, mais... C'est important de le dire, parce qu'il y a eu un coup de feu, tous les policiers ont entendu le coup de feu, et pourtant, il y a Maouda, une petite fille qui est là en train de se vider de son sang, aucun des policiers présents sur le parking n'évoque l'idée qu'il pourrait y avoir un lien entre ce coup de feu et la mort de la petite, tu vois. Et... Aux ambulanciers, ils vont raconter qu'elle est tombée de la camionnette. Ensuite, horrible, quoi, qu'ils se sont servis d'elle pour faire bélier, comme on dit. Alors, aux ambulanciers, ils ont dit qu'elle est tombée de la camionnette, qu'ils l'auraient montrée par la fenêtre et qu'elle serait tombée. Ça, c'est ce qu'ils ont raconté aux ambulanciers. Une autre version, cette nuit-là, il y a plein de coups de fil avec la hiérarchie, avec les magistrats du parquet, etc. Une autre version qui est dite, c'est que oui, il y a eu un coup de feu, mais il y aurait eu échange de coups de feu, alors que les migrants avaient été tous fouillés et aucun n'était armé. Donc, c'était, voilà, ils inventent de toutes pièces d'autres coups de feu. Et puis finalement, le premier rapport officiel de police de cette nuit-là, sera de dire ils ont utilisé le corps de la petite comme bélier et donc avec son crâne ils auraient fracassé la vitre et cette version là va être ces versions là vont être relayées par le parquet de Mons sans aucun recul critique et relayées dans la presse et c'est ça qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la déshumanisation et au racisme latent. Des milliers de gens vont croire à cette version. Donc, c'est-à-dire que dans l'inconscient collectif un tel racisme, une telle déshumanisation de ces gens que pour beaucoup de gens, c'est plausible que ces gens sont tellement des barbares, des monstres, qu'ils peuvent fracasser une vitre avec la tête de leur gosse, quoi, tu vois. Et alors, on a des tas de commentaires, ouais, qu'est-ce que c'est que ces barbares, qu'est-ce que c'est que ces sauvages, comment on laisse venir ici des gens comme ça, nanana. Mais alors, pour revenir au parquet de Mons, donc le parquet de Mons, c'est l'instance judiciaire, eux, ils ont relayé sans aucun recul les versions des policiers. Quand il s'est avéré que ces versions n'étaient pas vraies, ils n'ont pas été demandés aux policiers « Ben alors quoi, pourquoi vous nous avez raconté n'importe quoi ?» Non, pas du tout. Ils vont au contraire relayer leur nouveau mensonge. Et puis quand il s'avère que finalement c'est bien un policier qui a tiré, Maouda est bien mort d'une balle d'un policier, ils vont quand même continuer encore à défendre le policier en disant « Oui, mais voilà, c'était pas facile pour lui, etc. Il s'en veut. » Enfin. Alors que bon, la justice est censée être impartiale, enfin voilà. Et ce sont, au final, ces mêmes magistrats du parquet de Mons qui vont, 2 ans plus tard, instruire le procès et s'occuper du procès de cette affaire, quoi. Donc les mêmes qui sont impliqués ils sont les juges et les parties, voilà, quoi. C'est ça, juges et parties, quoi. C'est ce que dit Michel Bouffioux, ce tribunal, il a dit ça, ce tribunal est à la fois juge et partie dans cette affaire. Donc ces magistrats qui sont eux-mêmes impliqués dans la diffusion de fausses versions, c'est eux qui vont finalement juger cette affaire. Et alors, voilà, forcément... comme on pouvait s'y attendre, le policier va écoper de 10 mois avec sursis, donc c'est-à-dire rien du tout. Les deux présumés passeurs et chauffeurs, je dis présumés parce que franchement... Ouais, c'est pas forcément eux, quoi. On prend n'importe qui. Hein, parce qu'on parle beaucoup de présomption d'innocence... mais là ici, enfin, je veux dire, tu vois, la présomption d'innocence quand il s'agit de Gérald Darmanin ou de Gérard Depardieu, là c'est très important, mais quand il s'agit de réfugiés irakiens, là la présomption d'innocence, voilà quoi. Et donc eux vont être punis très très lourdement, beaucoup plus que le policier. Et donc pour en revenir, et par contre, tous les autres policiers, tous ceux qui ont cette nuit-là, qui étaient présents cette nuit-là, qui sont impliqués dans toutes ces fausses versions, n'ont jamais été inquiétés. Pourtant, il me semble logique que quand il y a un homicide, faire un faux témoignage, inventer des mensonges dans le but de couvrir celui qui a fait l'homicide, c'est quand même passible de poursuites très lourdes. Enfin, c'est quand même grave de faire ça. Et là, non, aucun n'a été inquiété, quoi. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, que elle parle de dysfonctionnement, etc. Ces choses-là, ce n'est pas des dysfonctionnements, c'est au contraire un système qui fonctionne très bien. C'est des mécanismes qui se retrouvent systématiquement dans tous les crimes policiers. Si on va se pencher sur l'affaire de Lamine Bangoura, de Mehdi Bouda, d'Adil, de Ibrahima, on va toujours voir les mêmes choses. Mensonges des policiers pour couvrir leurs collègues. La justice qui va croire sur parole les versions des policiers. Les médias qui vont relayer les versions des policiers. Par contre, la version des victimes ou des familles des victimes, elle, va être beaucoup plus sujette à caution, sujette à des doutes. Finalement, la justice très clémente et finalement, les victimes criminalisées, ça aussi... C'est de leur faute, quoi. Ils sont responsables. Voilà, tant pis pour eux. Exactement. Donc, quand c'est un jeune noir ou arabe, on va dire que c'était un voyou. Naël, on a dit qu'il avait un long casier judiciaire, comme si ça justifiait quoi que ce soit. Surtout, ils peuvent raconter n'importe quoi, parce que monsieur, madame, tout le monde n'a pas le temps d'aller vérifier ça. Oui, tout à fait. Et oui, surtout que c'était faux pour Naël. Mais on a envie de dire quand bien même. Pour Maouda, évidemment, c'est difficile de dire que Maouda était une délinquante. En tout cas, je l'avais 2 ans, mais alors là, c'est les parents qu'on va criminaliser, on va dire. Ils sont irresponsables, etc. Ils ont mené leur fille dans des situations dangereuses, etc. Donc, on retrouve ces choses-là, et finalement, la justice acquitte, relaxe, non-lieu, etc., et les policiers s'en sortent. Et donc, ce sont des mécanismes qui font système. Donc, pour moi, quand on parle de dysfonctionnement, je ne suis pas d'accord, parce que c'est, au contraire, c'est un système qui fonctionne très bien. C'est un système qui fonctionne très bien, la connivence police, justice, médias fabrique l'impunité de la police. Et voilà. T'as envie, toi, d'aborder un truc particulièrement ? Moi, j'ai d'autres idées, mais toi, tu vois quelque chose de... J'ai encore envie de dire certaines choses, ouais. Pour continuer là-dessus, quand je dis c'est un système qui fonctionne très bien, ben, par rapport à la police aussi, moi c'est par exemple un truc qu'on m'a dit parce que on m'a par exemple fait le reproche que dans ma BD les flics sont très caricaturés, je leur fais des gueules de brutes. Mais elles sont très bien. Mais parfois on m'a déjà dit, mais bon, il faut pas non plus généraliser. Tous les policiers ne sont pas mauvais. Il y a aussi des bons policiers. Alors par rapport à cette histoire de bons et de mauvais policiers, ben justement, moi j'ai envie de dire, c'est pas une question d'individu. C'est pas une question de un tel est bon, un tel est mauvais, un tel est gentil, un tel est méchant. C'est pas une question morale en fait. C'est l'institution policière en elle-même. C'est le rôle même de l'institution policière que de terroriser par rapport aux migrants, par rapport voilà, là les opérations Médusa, ça le montre clairement. C'est le rôle même des policiers que de terroriser, que de brutaliser, que de violenter, que de mener un enfer à ceux qu'on appelle les migrants pour les dissuader de rester là, pour les faire dégager. Ça fait partie d'une politique qui est sciemment menée, qui est sciemment orchestrée. On parle de police raciste, ben la police est raciste parce que la police, ce n'est rien d'autre que le bras armé d'un État qui est raciste. C'est l'État qui est raciste et c'est la société dans laquelle on se trouve qui est raciste, qui est inégalitaire, et la police n'est rien d'autre que le bras armé de cet État. Et le rôle de la police, ben, n'est pas de protéger les gens, d'arrêter les cambrioleurs, enfin, oui, bon, dans une moindre mesure, mais le rôle de la police, c'est surtout, d'abord et surtout, de protéger l'ordre établi, un ordre établi au service des classes dominantes, au service des multinationales, des banques, etc., et au détriment des classes populaires, des pauvres, et à plus forte raison, des Noirs, des Arabes, des migrants. Et le rôle de la police, ben, c'est de maintenir les classes populaires, les pauvres, les Noirs, les Arabes, les migrants, en bas de l'échelle, et de réprimer ceux qui manifestent, et de terroriser les Noirs, les Arabes, les migrants. C'est le rôle même de la police. Donc quand on parle de bon flic, eh ben, en fait, un bon flic, c'est un flic qui fait bien ça, qui tabasse bien les manifestants, qui tabasse bien les migrants, qui terrorise bien les migrants, les sans-papiers, etc. quoi. D'ailleurs, on voit bien que au sein de la police, il y a parfois eu des policiers, tu vois, qui, c'est très rare, hein, mais il y en a eu parfois des policiers qui ont dénoncé ces pratiques-là, la violence, la brutalité, etc. Ben, ces policiers-là sont immédiatement mis à l'écart, ils sont la cible de harcèlement de la part de leurs collègues, etc., etc. Et par contre, les policiers qui sont extrêmement brutaux, violents, etc., ben ceux-là, par contre, ils sont promus, ils montent dans la hiérarchie, etc. Donc on voit bien que c'est pas une question d'individu, de un tel est méchant, un tel est pas méchant, c'est la façon dont ça fonctionne, c'est le rôle même de l'institution policière. Complètement d'accord avec toi, Manu, c'est ça qui est un peu chiant. Il n'y a même pas de... Tu vois, je suis d'accord avec ça. Ça me semble... C'est clair et net, quoi. Mais même pas la justice aussi, c'est comme ça. Je veux dire, elle a été créée pas par ni toi, ni moi, ni nos cousins, ni nos frères et sœurs. Je veux dire, c'est vraiment des lois, des juges. Tout ça se tient bien aussi, quoi, tu vois, pour pas... Alors on va dire, oui, mais des fois, la justice, c'est vraiment... Oui, évidemment, des fois, ça marche. La justice marche, parce qu'il faut, bien montrer que quand même, elle sert à quelque chose, celle-là. Mais dans la plupart des cas, tout se tient bien, tout se donne la main, quoi, voilà. Et j'avais aussi envie de parler, moi, de ce médecin, parce que dans je me souviens, dans ta BD, tu vois, de ce médecin légiste, là, tu vois, qui vient... donc il vient en urgence sur le lieu du drame. Il vient checker la petite au sol, quoi. Ça dure 10 minutes. Et là aussi c'est bien compliqué. Enfin, tu sais, quand je lis ça, ça montre que la justice est d'accord. Ça montre, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Hein. La justice se donne la main. Les flics se donnent la main. La justice. Les médecins. Alors pour les médecins, je suis un petit peu plus. Non, mais tu vois, il faut aussi dans la vie, des fois, il faut se mouiller, quoi. Je veux dire, comment ça se fait que dans cette histoire, il n'y a pas plus de gens qui se mouillent, quoi? Parce qu'on voit aussi les deux médecins de garde. Je crois que c'est deux femmes qui vont quand même aller voir la petite morte dans la salle. Alors, je vais peut-être préciser, hein, parce que Il y a quand même des personnes qui ont relativement... tu vois, pour préciser par rapport aux médecins, il y a deux médecins. Il y a l'urgentiste, oui, voilà. Celui qui est allé sur place, et il y a le légiste, qui lui n'est pas allé sur place. Donc c'est-à-dire que l'urgentiste, il est allé sur place, et effectivement, l'urgentiste, lui, son rôle n'est pas de déterminer la cause ou quoi. L'urgentiste, c'est celui qui vient en urgence, voilà. Réanimer s'il faut, c'est voilà, ça. Essayer de réanimer s'il faut réanimer. Bon, là, le fait est qu'elle était déjà décédée, donc l'urgentiste, c'est celui qui est là pour arriver en urgence, pour essayer de sauver ce qui est à sauver. Son rôle n'est pas de déterminer la cause du décès. Ça, c'est le rôle du légiste. Mais donc, on a demandé au légiste d'aller voir le corps, pour déterminer si c'était bien une mort par balle ou pas. Et ce légiste, lui, effectivement, il est à blâmer parce que lui, il n'est même pas allé voir le corps. Il a juste téléphoné à l'urgentiste en lui demandant « Alors, est-ce que vous pensez que c'est une mort par balle ?» Mais l'urgentiste, lui, son rôle n'est pas de déterminer la mort de l'enfant. Et l'urgentiste, lui, les flics lui avaient raconté qu'elle était tombée de la camionnette. Donc lui, il lui répond « Ben, je crois pas. » Oui, mais c'est ça que je veux dire aussi, ouais. Manu, c'est que si chacun reste dans son rôle, non, alors c'est facile. Les flics, ils ont qu'à dire « Ça va, on gère tout, vous pouvez... Je parle de l'ambulance, tu vois, et des infirmiers, et des médecins. Ouais. Ça va, on gère tout, vous pouvez vous en aller. » Enfin, tu vois, si tout le monde reste comme ça dans sa case... Et qui vérifie pas, enfin alors c'est trop facile aussi de raconter n'importe quoi. Ouais, mais après bon, je suis d'accord avec toi. Hein, mais donc cet urgentiste, après il a quand même dit quand il a été interrogé, il a quand même dit, il s'est indigné quand même parce qu'on lui a fait dire qu'elle était morte par balle alors qu'il avait pas dit ça, tu vois. Qu'elle n'était pas morte par balle, alors qu'il n'avait pas dit ça, donc il s'en est indigné. Et par exemple, l'ambulancier, un des ambulanciers, ça n'apparaît pas dans la bande dessinée, mais dans son interrogatoire, quand il a été interrogé par le comité P, il dit aussi, moi, les policiers, il en veut aux policiers, il leur dit, bah, en fait, ils m'ont menti, ces policiers, ils m'ont dit qu'elle est tombée de la camionnette. Après, quand j'ai appris la vérité les jours suivants, je me suis dit, mais ces flics, c'est des menteurs, tu vois. Donc il y a quand même des personnes là-dedans qui sont... Enfin voilà, tu vois, j'ai pas envie de blâmer tel ou tel individu, tu vois ce que je veux dire. Bah, globalement... La cible. Moi, avec le temps, tu vois, avec le temps, je me dis, mais ok, il y a les flics, moi, voilà, j'ai ma pensée, voilà, ouais. Vraiment, les flics, c'est bon, quoi. Ils servent vraiment, comme tu dis, le bras armé de l'État. Mais après, il y a aussi tous les... petites gens, je veux dire, bon, un médecin, ça a quand même, enfin, une responsabilité. Après, il y a les infirmiers. Après, si on se bougeait tous un peu plus le cul, tu vois, parce que là, ici, lors du procès, mais tu peux dire, ouais, non, t'exagères, hein, Graziella. Lors du procès, tu vois, il y a l'avocate, bah ouais, l'avocate, c'est comme ça qu'on dit, l'avocate Ben Khalifa, ben. Moi, je la connais aussi. Elle bouge toujours, cette femme, pour des causes comme ça, tu vois. Mais où sont les autres avocats Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu vois, c'est toujours journaliste Michel Bouffier aussi. Tu veux dire, ils sont rares, quoi. Pourquoi on ne bouge pas plus tous nos fesses quand il y a un truc comme ça qui se passe, quoi? C'est vraiment la question que je me pose. C'est toujours les mêmes qu'on voit. Pourquoi, à un moment donné, il n'y en a pas un ras-le-bol de se dire bah « Oui, mais ça se répète comme ça tout le temps. » Voilà, je lance une perche comme ça. Tu n'as pas forcément la réponse, mais... Dans ta BD, oui, on voit... c'est quand même... c'est même lors du procès, pourquoi tout le monde ne se lève pas à un moment donné et dit « ras-le-bol. » Enfin, tu vois, il y a quand même quelque chose d'assez dans l'air. On a peur, quoi. On a peur, on se tait, on n'ose pas. Alors, les migrants, tu comprends ? Parce qu'ils sont déjà, tu vois, c'est la trouille au ventre, quoi. Mais nous, les Blancs, où ça va pourquoi on n'est pas plus solidaires, quoi. Tu vois, c'est... Mais alors, bon, si tu veux bien me laisser répondre. Alors, là, sur le fait de dire pourquoi on n'est pas plus nombreux à se bouger, là, évidemment, je ne peux qu'être totalement d'accord avec toi. Il faudrait que, effectivement, pour moi, et l'affaire Maouda, ça montre bien aussi hein, que... Déjà, on revient à ce racisme latent. Il y a si peu de gens qui... Enfin, pour moi, heureusement, il y a eu des gens qui se sont mobilisés. Je le montre quand même dans la BD. Voilà, il y a eu des gens qui ont manifesté, des gens qui ont été au procès pour afficher leur soutien, etc. Et bon, tout ça, il faut quand même aussi rendre hommage aux personnes parce qu'il y en a quand même eu, tu vois. Il ne faut pas non plus invisibiliser les gens qui ont eu le mérite de se bouger, de faire des choses. Il y a eu des gens qui ont aidé les parents de Maouda dès les débuts de leur vie ici en Belgique pour leur trouver un logement, etc. Et puis il y a eu tout un tas de comités, de gens qui se sont bougés, qui ont suivi. Il y a une solidarité qui existe quand même. Il y a effectivement une solidarité qui existe et cette solidarité-là, il faut lui rendre hommage et rendre hommage à toutes ces personnes qui ont exercé cette solidarité. Maintenant, je ne peux qu'être d'accord avec toi sur le fait qu'au regard du drame, ça reste pauvre, ça reste très pauvre. Tu vois, si on fait la comparaison, par exemple, avec les enfants disparus en 96 avec Marc Dutroux, eh ben là, 1 million de gens sont sortis dans la rue pour dire « c'est un scandale ». Pourquoi ça n'a pas été le cas pour Maouda ? Eh ben parce que c'est une migrante et parce que certaines vies ont moins de valeur que d'autres, quoi, malheureusement. Mais je suis d'accord avec toi, il faudrait qu'on soit beaucoup plus, et si on veut, parce qu'on en revient à ce qu'on disait, hein, voilà, qu'on est dans un contexte où l'extrême droite monte, où le racisme monte, où ces politiques-là sont de plus en plus répressives, de plus en plus virulentes. Si on veut contrer ça, ben oui, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux à protester contre ça pour opérer un rapport de force qui puisse permettre de changer les choses, quoi. Ouais, il faudrait qu'on... Ouais, un truc du genre être ensemble, quoi. Pour ces causes-là aussi, j'en sais rien, moi. Mais, ouais... En fait, je voulais faire une sorte de parallèle... L'affaire Maouda, elle montre, comme je te dis, voilà, elle est le fait d'un système qui est le système dans lequel on vit, capitaliste, occidental, qui est terriblement raciste et qui s'extrême-droitise de plus en plus, qui se radicalise de plus en plus vers la droite, vers l'extrême droite, et qui se fascise, en fait, pour le dire clairement. On le voit dans la manière dont on traite ceux qu'on appelle les migrants, de manière de plus en plus brutale, criminelle. On voit que dans la Méditerranée, on noie dans la Méditerranée des dizaines de milliers de gens. C'est limite une politique migratoire qu'on peut qualifier presque de génocidaire, en fait, parce que c'est des dizaines de milliers de gens qu'on noie sciemment. J'emploie même pas le terme passif de dire on les laisse se noyer. Non, c'est activement qu'on les noie. On les maintient la tête sous l'eau, quoi. C'est pas que... Et par exemple, j'ai envie de faire un parallèle, même si ça va peut-être pas paraître pour quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, mais pour moi, c'est important quand même d'en parler. Dans le livre, là, à la fin, dans la conclusion, je parle de ça, de ce racisme et de cette extrême droitisation, de cette fascisation, et je dis cette fascisation qui est le prélude des génocides. Et donc, je viens de parler déjà de politique génocidaire pour ce qui se passe en Méditerranée, mais il se fait que, depuis que j'ai écrit ça, ben, il y en a un de génocide qui est en cours à Gaza. Des dizaines de milliers de... presque... On est déjà à 50, 60 000 morts. L'État d'Israël est en train d'exterminer de manière systématique, méthodiquement, toute une population avec la complicité de nos États occidentaux, avec même l'aide financière et militaire de nos États occidentaux. Et pour moi, ça peut paraître un autre sujet, mais pour moi, c'est totalement lié, parce que pour moi, ça montre... Pour moi, en fait, moi, je vois ce qui se passe à Gaza, et moi, je m'intéresse depuis longtemps à ce qui se passe en Palestine et à l'occupation de la Palestine par Israël. Israël, c'est un petit peu la pointe avancée du camp occidental. C'est la pointe avancée du camp occidental au Moyen-Orient. C'est le pion du camp impérialiste occidental. Et c'est la ligne de front, on va dire. En fait, le camp occidental impérialiste capitaliste dans lequel on vit est en train de mener une guerre contre les peuples du Sud, une guerre de domination économique et politique. Et Israël, c'est un petit peu la ligne de front, la pointe avancée dans cette guerre, quoi. Et là, dans le génocide qu'Israël est en train de commettre aujourd'hui à l'encontre de la population de Gaza, eh ben c'est un cap qui est franchi de la part du camp occidental, donc de notre société. C'est nous, en fait. Il faut comprendre que c'est notre société qui est en train d'exterminer les Gazaouis, quoi. notre société est en train de franchir un cap dans la fascisation, vers le fascisme et vers les génocides et vers peut-être encore d'autres génocides. Et j'ai lu récemment une interview de Mohamed Khatib, je crois, qui est le porte-parole de Samidoun. Samidoun, c'est une association de réfugiés palestiniens et qui disait si les citoyens en Belgique et en France laissent faire ce génocide à Gaza et laissent leurs dirigeants soutenir ce génocide, eh bien, il faut qu'ils comprennent que ça va se retourner contre eux. Et c'est ça que tu disais par rapport à nous qui sommes blancs, quelque part, on se sent peut-être à l'abri en se disant, voilà, ça concerne les migrants, ça concerne les Noirs, les Arabes, là, ça concerne les Gazaouis, les Palestiniens. Il faut comprendre que ces politiques-là fascisantes, en vrai, on va finir par nous aussi. Elles vont finir par nous aussi. On va finir par nous aussi en être les victimes. On est les prochains sur la liste, en fait. Et ça, c'est important de le comprendre. Oui, c'est important de l'entendre. Hein. C'est bien que tu en parles, ça, Manu. J'ai envie de dire, parce que là, il y a ta BD qui sort, ça fait le tour un peu des lieux comme ça. Est-ce que t'as prévu un exemplaire pour Théo Franken? Yann Bonn, le Michel, Charles Michel, et même aujourd'hui, peut-être, je dis ça sans rigoler, hein, parce que je trouve que, tu vois, bon, moi, je lis ta BD, ça me parle, il n'y a pas de problème, même sans lire ta BD, vous voyez bien l'histoire de Maouda, c'est quoi encore cette histoire, mais pas dans le sens, comment dire, qu'est-ce qu'ils ont encore foutu, ces migrants, quoi. Ouais. C'est plutôt qu'est-ce que cet État a encore foutu, tu vois. Bon, là, c'est une vraie... Je le dis avec une petite pointe d'ironie, quoi, mais... T'as prévu quoi, alors ? Non, j'ai pas prévu de... j'ai pas prévu de leur envoyer un exemplaire. Parce que ce que je trouve intéressant dans ce travail, tu vois, c'est de le donner à des gens, même mon voisin, tu vois, on discute ensemble, il est bien sympa, il tient des propos qui répète bêtement de la télévision, tu vois. Je trouve que c'est vraiment le commencement de ta BD pour avoir une vraie discussion, quoi, sur ce sujet-là. Alors ça, oui. Alors ça, par contre, j'aurais plus envie de la donner à ton voisin qu'à Théo Franken ou à Théo Franken, Yann Bonn, etc. Les dirigeants, je crois qu'ils... Déjà, je pense qu'ils ne la liraient pas. Et quand bien même ils la liraient, je crois qu'ils... Ça ne leur... Enfin, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions dans le fait qu'on va faire que c'est en essayant de faire changer d'avis les puissants. Je veux dire, c'est comment elle s'appelle, Assata Shakur, une Black Panthers, qui disait on n'a jamais... les opprimés n'ont jamais obtenu gain de cause, ne se sont jamais libérés de l'oppression en essayant de convaincre leurs oppresseurs que c'était pas bien ce qu'ils faisaient, quoi, tu vois. Je pense que envoyer ça à Franken ou autre, ce serait juste de gaspiller des exemplaires. Par contre, en revanche, ce que tu dis avec ton voisin, ça me parle beaucoup plus. Moi, effectivement, même si ton voisin tient peut-être des propos qui peuvent être racistes ou avec des tas de préjugés, etc. Moi, par contre, là, ces gens-là, je trouve important de leur parler. C'est-à-dire les gens des classes populaires, les blancs des classes populaires, qui sont malheureusement empreints de tous ces... de tous ces préjugés, de tous ces de tout ce racisme latent dont on parle, hein. même ces gens là qui font des commentaires dégueulasses, eh ben oui, ces gens là en fait ne font effectivement que répéter ce que dit le discours dominant, quoi, ce que le discours dominant leur assène à longueur de journée, les médias, les politiques, ne font que répéter bêtement ce que et donc il y a toute une partie des classes populaires qui en fait n'ont pas accès aux outils pour être conscientisés, pour se conscientiser sur ces sujets, et qui donc malheureusement ne font que répéter bêtement ce qu'ils lisent dans la DH ou ce qu'ils entendent à la télé, et sont malheureusement comme ça empreints de 1000 préjugés sexistes, racistes, que sais-je. Et ça, de fait, non, ces gens-là, ceux-là, moi, je ne les considère pas comme les ennemis. Ceux-là, ce serait avec plaisir que je leur offrirais un exemplaire et que j'aurais envie de parler avec eux. Pour moi, l'ennemi, ce n'est pas les gens qui ont des idées racistes. L'ennemi, c'est l'État, c'est les institutions, c'est le système. Oui, mais en même temps, quand on voit le chauffeur routier qui est prêt à... Tu vois, c'est complexe, hein. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut continuer à croire que son voisin peut avoir... peut avoir une ouvrir un peu son esprit et regarder, moi j'ai envie de dire, le réel, quoi. Pas écouter ou regarder la télévision, tu vois ce que je veux dire ? Il y a une grande différence. Mais moi je parle de Theo Franken et de Yann Yonbon et de Charles Michel parce que c'est comme une petite pointe pour dire aussi, ben voilà, il y a une vérité, quoi, merde, quand même, dans cette histoire. Ils le savent, non ? Et c'est genre, j'envoie la BD pour dire, ben voilà, comment les choses se sont passées. Ouais. C'est plutôt aussi un peu provoque, quoi. Ouais. J'imaginais pas qu'ils allaient changer d'avis, mais provoque, quoi. Voilà, ouais. Nous, les gens s'organisent, se battent pour continuer à dénoncer les choses, etc. Quoi. C'était plutôt dans ce sens-là. Ouais, bref, ouais. Bon, écoute, je pense que eux, même s'ils lisaient cette BD, je pense que ce sont des personnes qui sont dans tout un autre monde. Oui, mais on est d'accord. Je pense pas que ça leur ferait prendre un cas de conscience. Ah, mais je pense pas non plus. Voilà. Mais ces gens de la provoque, quoi. C'est oui, genre, moi, une petite pique, une petite crotte de nez à leur envoyer. Oui, oui. Bon, ben, c'est quoi la suite alors ? Et comment on termine ça aussi ? Comment on termine notre entrevue ? Bah oui, lisez Maouda, quoi, évidemment. Ben oui, donc j'encourage évidemment tout le monde à lire la bande dessinée. Voilà, Maouda, Autopsie d'un crime d'État. Elle est en vente normalement dans la plupart des bonnes librairies, comme on dit. Et puis sinon, il y aura, pour ceux que ça intéresse, encore plusieurs soirées de présentation. Il y en aura une à Liège le 4 avril. Il y en aura une à Bruxelles avec la plateforme de soutien aux réfugiés le 11 avril. Et puis, il y en aura encore d'autres. Il y en aura ici une à Mons le 17 mai, qui est le triste anniversaire, qui sera le sixième triste anniversaire du décès de Maouda, ici au Théâtre des Rues, justement. Mais tout ça, vous pourrez le trouver sur Facebook, sur ma page. Toutes les informations s'y trouveront. C'est tout ? C'est tout, oui, merci. C'est déjà pas mal, hein. Un très grand merci à toi pour ce chouette entretien et pour ton attention. Merci à toi aussi, alors.